Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Deuxième partie, troisième chapitre. Dévotion faible et imparfaite envers Marie. Il serait à désirer que quiconque fait profession de dévotion envers Marie fût parfait, qu'il fût un ange en pureté, un séraphin en charité, qu'il fût en toute une copie des vertus sublimes qui brillèrent avec tant d'éclat dans la très sainte Vierge. Je sais toutefois que trop prétendre est le moyen de ne rien obtenir, si l'on établissait que pour être serviteur de Marie, il faut mener une vie angélique, beaucoup et même presque tous effrayés à la vue des difficultés de l'entreprise, et désespérant d'en venir jamais à bout, y renonceraient totalement, et abandonneraient même la bonne volonté, ou un commencement de bonne volonté qui les porte à rechercher la protection de Marie, en se mettant à son service. Afin donc d'encourager celui que l'idée de la perfection pourrait effrayer, après avoir pris à tâche dans le chapitre précédent de détromper ceux qui s'appuient à tort sur une prétendue dévotion envers Marie, je dois ici donner certaines instructions à celui qui, n'ayant pas encore atteint la véritable et parfaite dévotion envers la Sainte Vierge, peut néanmoins se dire son serviteur, bien qu'il ne soit qu'un serviteur imparfait. Je demande donc s'il peut se faire qu'un pécheur, qu'un homme qui vit dans la disgrâce de Dieu soit un véritable serviteur de Marie, en sorte que la dévotion qu'il a pour elle soit un fondement solide de compter sur la protection et les faveurs de la Sainte Vierge. Avant de répondre à cette question, il faut distinguer trois sortes de pécheurs. La première classe est la plus déplorable, comprend ceux qui, non seulement vivent dans le péché, et ne songent pas à se convertir, mais même ont banni de leur cœur toute pensée de retourner jamais à Dieu. La seconde est celle des pécheurs qui, à la vérité, ne pensent pas actuellement à faire pénitence, mais néanmoins n'ont pas rejeté positivement la volonté de le faire un jour. Ils se tiennent, s'il est permis de s'exprimer ainsi, comme dans un état neutre entre Dieu et le péché, entre la conversion et l'endurcissement. Enfin, la troisième classe comprend ceux qui, bien que pécheurs, ont cependant un vrai désir de sortir de l'état du péché. Ceux-ci sentent le poids de leurs iniquités, ils voudraient le secouer, mais ils ne se sentent pas assez forts pour cette grande œuvre, la violence des habitudes contractées les tient comme enchaînés, l'aiguillon des passions les excite à pécher, mais ne leur fait pas trouver le contentement dans le crime, ils forment de temps en temps de faibles désirs de se convertir, ils font de légers efforts, mais bientôt, comme s'ils étaient entraînés par une force invisible, ils vont de nouveau se plonger dans la fange de l'iniquité. Ces distinctions bien établies, je crois pouvoir dire encore, en toute vérité, que les pécheurs de la première catégorie n'ont guère sujet de se confier en la protection de Marie, ni de se fier à leurs pratiques extérieures de dévotion, s'ils en ont. Que doivent-ils donc faire ? Tout le monde le sait déposer leur obstination, mais s'ils ne le font pas, voilà que toutes leurs pratiques de dévotion envers la Sainte Vierge seront inutiles. Devront-ils donc les abandonner ? Les abandonner ? Oh, pour cela jamais, qu'ils continuent toujours à faire ce qu'ils font, si peu que ce soit, bien que ces pratiques, à ne considérer que les dispositions de celui qui les remplit, puissent être regardées comme absolument de nulle valeur. Néanmoins, il peut se faire que la très sainte Vierge, ayant égard non pas à ces stériles démonstrations de respect, mais bien au penchant de son cœur qui l'incline toujours vers la miséricorde, intercède pour cette âme infortunée, et lui obtienne une de ses grâces victorieuses, qui change les cœurs les plus endurcis et triomphe des obstinations les plus enracinées, c'est en effet ce que nous savons être arrivé quelquefois. Les pécheurs de la seconde classe peuvent-ils se confier en mari? Certainement leur position n'est pas aussi déplorable que celle des premiers, quoique bien périlleuse encore. Et en effet, que peut-on imaginer de plus funeste qu'un état neutre entre Dieu et le démon? Néanmoins, ils peuvent fonder quelque espoir sur l'intercession de Marie, voire Benoît XIV, Infait du Mont Carmel numéro 7. Qu'ils continuent à s'acquitter de leurs exercices de piété en l'honneur de la très sainte Vierge, qu'ils récitent le chapelet, qu'ils tâchent de s'abstenir en considération de Marie et par amour pour elle de commettre de nouveaux péchés, qu'ils fassent quelque aumône spécialement quand on la leur demande pour l'amour de la Sainte Vierge. Et après tout cela, pourrais-je leur assurer la faveur et la protection de Marie? Je ne leur donnerai pas une telle assurance, mais aussi je me garderai bien de leur ravir le peu d'espoir qu'ils ont placé en Marie. Je craindrais, en agissant de la sorte, de leur ravir cette racine de la vie éternelle qu'ils nourrissent encore dans leur cœur. Il pourrait très bien arriver que la Sainte Vierge les fît enfin sortir de leur léthargie, qu'elle leur obtint d'abord une volonté sincère de se convertir, et ensuite la grâce d'une conversion parfaite. Qu'ils ne se livrent pas cependant à une entière sécurité, mais qu'ils tremblent, qu'ils pleurent, qu'ils gémissent sur leur sort infortuné, qu'ils implorent la grâce de Dieu par l'intercession de Marie. Enfin, pour en venir aux pécheurs de la troisième classe, c'est-à-dire à ceux qui désirent, quoique faiblement, de sortir de l'état du péché, je dis que ces derniers peuvent, qu'ils doivent même se confier en Marie et mettre toute leur espérance, après Dieu, dans la bonté de Marie, semblable à une mère compatissante, en voyant les faibles efforts que font ses enfants encore imparfaits, pour sortir du péché. Elle volera à leur secours, leur tendra la main avec bonté, afin de les relever de leur chute, et aidés du secours de Marie, ils échapperont au piège du démon, deviendront de nouveaux enfants de Dieu et de Marie, qui est précisément la mère des pécheurs, mais de ces pécheurs qui ont le désir de s'amender. Pour démontrer ce que nous avançons maintenant, il suffira de jeter un coup d'œil sur ce que nous avons dit en parlant de la miséricorde spéciale de Marie envers les pécheurs. Ah oui, oui, Marie est vraiment la mère, non seulement des justes qui sont ses serviteurs, mais aussi des pauvres pécheurs. Oui, Dieu l'a constituée, s'il est permis de le dire, l'aide et la coopératrice de son divin Fils dans l'œuvre du salut des hommes. Or, qui ne sait que Jésus a protesté plusieurs fois qu'il n'était venu sur la terre que pour sauver les pécheurs, pour prendre soin des infirmes, pour rendre la santé aux malades, pour délivrer les esclaves qui gémissent sous la tyrannie du péché, pour rendre la vie aux hommes qui étaient morts à la grâce, pour sauver en un mot tout ce qui était perdu, Luc 19, 10, à que le cœur de Marie, à l'imitation de celui de Jésus, est bon et miséricordieux. Elle a des entrailles maternelles même envers les pécheurs, elle a pour eux le cœur de la plus tendre des mères. Quelle est la mère qui, voyant son enfant bien-aimé blessé à mort par un serpent, accourir à elle pour trouver un prompt secours, irait se fâcher contre cet enfant dans une telle situation, et ne s'empresserait pas plutôt de lui prodiguer tous ses soins pour arrêter les progrès du mal? Une mère sent ses entrailles d'autant plus émues de compassion que les plaies de son enfant sont plus profondes et plus dangereuses. Si cela est vrai des mères terrestres, à combien plus forte raison n'en est-il pas ainsi quand il s'agit de la plus aimante de toutes les mères, De la mère qui seule peut justement s'appeler la mère d'amour? Et si nous n'avions d'autres preuves à l'appui de ce que nous disons, l'expérience seule ne suffirait-elle pas pour nous en convaincre? Laissons de côté tout ce que nous lisons dans les livres et dans les annales du christianisme. Quel est le chrétien qui ne puisse attester qu'il a éprouvé lui-même ce qu'il a tant de fois entendu raconter des autres qui se sont trouvés dans des circonstances semblables? Quel est le pécheur pénitent et converti qui ne puisse attester que Marie l'a aidé d'une manière admirable à sortir du triste état dans lequel il était plongé? Que de choses n'aurait pas à nous dire quiconque a vécu dans le péché, s'il voulait nous raconter sincèrement l'histoire de sa conversion? Il devrait dire comment Marie l'a prévenu, il a conçu quelque faible désir de retourner à Dieu, et à cet effet il a prié la Sainte Vierge de venir à son secours, il s'est prosterné devant quelqu'une de ces images, et là, il s'est trouvé fortement attiré par elle. Quelle douce larme d'amour et de compunction il a répandue aux pieds de Marie! Quelle douce consolation il a éprouvée alors! Comme il s'est senti animé à espérer tout de Dieu! Quel prodige s'opérait dans son cœur par la grâce que Marie lui avait obtenue! Elle aplanissait les obstacles qui s'opposaient à sa conversion, elle lui en facilitait la voie, elle fortifiait sa volonté, jusqu'à ce qu'il en vînt à dire tout de bon, « Je veux sincèrement me convertir, je veux de tout cœur retourner à Dieu. » Et après cette résolution, il s'est senti plus que jamais animé à combattre vaillamment les ennemis de son salut, comme il éprouva sensiblement dans les premiers jours, et même durant les premières années de sa conversion, les effets de la protection de Marie. Il suffisait que dans ses tentations, dans ses combats, il se souvint de Marie pour voir s'évanouir les suggestions infernales qui venaient en foule assaillir son esprit. Il n'y a pas, je crois, dans l'univers entier un seul pécheur pénitent qui ne puisse faire le récit de toutes ces merveilles, et de bien d'autres grâces, dues à l'entremise de Marie, tandis qu'il gisait encore dans le bourbier du péché. Indice manifeste que même les pauvres pécheurs, dès qu'ils déposent la volonté de pécher, et prennent la résolution, ou du moins forment quelque sincère désir de changer de vie, peuvent et doivent se confier en Marie, qu'ils peuvent même s'appeler les serviteurs de cette auguste reine, bien qu'ils ne soient d'ailleurs que des serviteurs imparfaits. Ce n'est pas, à proprement parler, le péché qui met obstacle à ce que l'on soit serviteur de Marie, la seule affection au péché, l'obstination dans le crime, la négligence de son salut éternel. Voilà ce qui est en opposition directe avec la qualité de véritable serviteur de Marie. C'est précisément ce que le pape Saint Grégoire s'est écrivait à la comtesse Mathilde. Mettez fin à la volonté de pécher, et vous trouverez dans Marie la mère la plus empressée à vous secourir. Que les pauvres pécheurs reprennent donc courage, mon cher frère, vous êtes pécheur, et, n'est-il pas vrai que quoique pécheur vous avez renoncé à commettre de nouveau le péché? Il me semble entendre votre réponse, oui, me dites-vous. Je suis pécheur, il est vrai, mais je suis fatigué de l'être. Je désire sortir de cet état que j'ai trouvé si malheureux. Ah, dans quel labyrinthe je me suis engagé! Hélas, mon cœur depuis le moment où il a renié son Dieu, n'a pas trouvé un instant de repos, c'est une mer sans cesse agitée par la tempête, il ne peut jouir d'un moment de calme. De quelque côté que je me tourne, je ne rencontre que sujet d'affliction et d'angoisse. Je ne sais que faire de moi-même, ni où m'adresser pour trouver un remède à mon mal. Mon frère, vous ne savez à qui avoir recours? Vous devez le savoir, Ayez recours à Dieu qui est toujours prêt à nous aider dans toutes nos tribulations. Psaume 9, 10. Ah que je tremble de m'approcher de cette infinie majesté que j'ai tant offensée. Qui sait? Courage, mon frère. Dieu est plein de miséricorde, mais vous craignez? Eh bien, ne craignez plus, que si vous ne pouvez vous résoudre à bannir de votre cœur cette frayeur qui vous tient éloigné de Dieu, ayez recours à Marie et ranimez votre confiance, cherchez la grâce et cherchez-la par Marie. Prosternez-vous humblement à ses pieds, implorez son assistance, faites quelque chose en l'honneur de cette auguste souveraine, récitez avec dévotion le chapelet, visitez chaque jour, s'il se peut, quelqu'une de ses pieuses images, ayez une ferme confiance dans son intercession, si vous en agissez ainsi, elle commencera à vous regarder pour son enfant, quoique faible, quoique imparfait. Ses entrailles seront émues de compassion pour vous, elle volera à votre secours, elle prendra soin des plaies de votre âme, dès ce moment elle considère votre âme comme une proie qu'elle doit ravir au démon, pour la rétablir dans le sein du Père Céleste. Vous êtes une pierre informe, mais cette pierre pourra être magnifiquement sculptée et rendue digne d'occuper une place dans le royaume céleste. Déjà Marie médite les moyens d'exécuter une si grande entreprise, n'en doutez pas, elle atteindra son but, sans faire la moindre violence à votre cœur, elle saura s'y introduire avec tant d'adresse afin d'opérer en lui, ou plutôt dit que opérer à la grâce divine, que vous-même, en apercevant tout ce qui aura été fait en vous, vous demeurerez stupéfait d'étonnement. Ô mon Dieu, direz-vous, que mon cœur est différent de ce qu'il était comme il est maintenant ce qu'il avait tout à l'heure en horreur. Qui donc a opéré ce changement en moi? Qui a pu chasser de mon cœur cet objet, cette idole qui depuis si longtemps y siégeait comme sur son autel? Qui a pu aplanir ces difficultés qui me semblaient insurmontables? Qui m'a rendu le chemin de la conversion si facile et si doux? Qui donc a répandu dans mon cœur tant de joie, tant de céleste faveur? Qui? Ah je le sais, Sagesse 7, 12, Marie, voilà celle qui marchait devant moi, Marie m'aplanissait la route, sans que je susse même que ses dons et ses merveilles fussent son ouvrage. Maintenant je reconnais que les événements que je prenais pour des effets du hasard, que je regardais même comme des malheurs, étaient tous disposés par la divine sagesse, que c'était là comme autant d'instruments que Marie mettait sagement en œuvre pour parvenir à forcer l'entrée de mon cœur endurci. Grâce avant tout à la bonté infinie de mon Dieu, qui opère de tels prodiges. Grâce aussi à celle qui, après Dieu, a pris la principale part à l'œuvre de ma conversion. Voilà ce que doit dire tout pécheur converti, voilà ce que vous devrez dire aussi, mon cher frère, si votre cœur se convertit au Seigneur. Voilà ce que je dois dire assurément, s'il est vrai que je me sois une fois converti sincèrement au Seigneur. Je dois le dire, ô mon Dieu, je dois le dire, ô Marie, ma mère, c'est vous qui avez mis tout en œuvre pour dompter mon cœur rebelle. Ah s'il m'était permis de raconter par quelle voie vous êtes venu à bout de cette entreprise, des volumes entiers seraient insuffisants, et je suis sûr qu'on ne me croirait pas, on s'imaginerait que j'invente des romans, plutôt que de rapporter des faits véritables. Pour moi, je suis persuadé que ce ne sont pas des fables, mais des événements réels. Du moins, puisque je ne puis faire autre chose, je conserverai dans mon cœur la plus vive reconnaissance envers vous, qui m'avez obtenu de si grands bienfaits, lors même que j'étais encore pécheur, et cela uniquement parce que je cherchais, tout pécheur que j'étais, à être votre serviteur, et que j'avais quelque désir de retourner à Dieu. Mais que dis-je, était-ce pour cela seulement? C'était plutôt par un effet de la miséricorde qui seul vous guidait, car je dois avouer que j'étais indigne de toute grâce, et que je méritais toute espèce de châtiment. C'est vous, ô ma mère, c'est vous, après Dieu, qui avez fait tout cela, et j'espère que vous en agirez de même à l'avenir. Sans doute, avant de commencer, vous aurez pesé mûrement si vous aviez tout ce qui est nécessaire pour achever. Ayez soin que personne ne puisse dire de vous, elle a entrepris de construire un édifice, et elle n'a pu l'achever. Luc 14, 30. Non, jamais chose semblable ne sera dite de vous, seulement qu'on ne dise pas, cet homme a commencé, et il n'a pas voulu achever. J'espère qu'il n'en sera pas ainsi, appuyé sur l'aide de Dieu et sur votre maternelle protection. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.